J'ai gardé en secret dans une boîte ton argent, un petit monde à moi, des étoiles, un océan, un peu d'éternité, une flûte de pan, mais je n'ai rien de toi, toi qui manques tellement. Je suis là où tu m'as laissé, sur la route du néant. Ici la lune n'éclaire jamais, elle jaunit avec le temps. Et de nuage en nuage, sur les ailes d'un oiseau blanc, je me suis laissé prendre en otage, puisque sans toi, plus rien ne rime, plus rien ne rime, rime, et je m'abîme, bîme, et je m'abîme, bîme. Je suis allé au bout du monde, j'ai demandé pardon, je suis là et je t'attends sous les étoiles d'Orion. Il y avait comme un son perdu dans l'univers. Est-ce que ce serait toi? Oh, comme je l'espère. Je suis là où tu m'as laissé, sur la route du néant. Ici la lune n'éclaire jamais, elle jaunit avec le temps. Et de nuages en nuages, sur les ailes d'un oiseau blanc, je me suis laissé prendre en otage, puisque sans toi, plus rien ne rime, plus rien ne rime, rime, et je m'abîme, bîme, et je m'abîme, bîme. Si tu m'attendais, mais le temps paraît lent. Je ne peux m'empêcher de penser comme une enfant. Que veux-tu que j'y fasse? Rien n'est plus enivrant que de s'accrocher à toi et d'y croire tout le temps. Je suis là où tu m'as laissé, sur la route, sur ce banc. Ici la lune n'éclaire jamais, elle jaunit avec le temps. Et de nuage en nuage, sur les ailes d'un oiseau blanc, je me suis laissé prendre en otage, puisque sans toi, plus rien ne rime. Plus rien ne rime, rime, et je m'habille.